2, 3. Le camionneur a un grand cœur, même s'il le cache derrière de grosses moustaches. C'est un grand rêveur, n'en ayez pas peur, sauf s'il s'endort et vous passe sur le corps. Alors là, d'accord. Au resto routier, ça sent fort l'amitié, le gros rouge et la sueur, la vie dans sa splendeur. Mais il y en a certains qui ne comprennent rien et préfèrent leur casquette à un bon verre de Trousse-Pinette. Le taux d'alcoolémie autorisé n'est pas proportionnel au véhicule utilisé. Monsieur l'agent, c'est surprenant, ça me semble flagrant, l'agent n'étant pas d'accord, là commence à le corps à corps. Comment ça, une mise à pied? Viens donc par là que je te mette à genoux. Puis il lui dit en mots très doux: je vais te faire maudire ta mère d'avoir un jour eu les ovaires. Mais le camionneur a un grand cœur, même s'il le cache derrière de grosses moustaches. Il a la jambe sereine et le regard lointain. Lorsqu'il marche sur les quais, on dirait un capitaine. On sent dans sa cabine de la marée ses odeurs. Il manque les eaux salines, mais c'est un vrai marin pêcheur. Qu'il revienne de très loin ou du troquet du coin, il est prêt à repartir. L'aventure, l'aventure, à l'aventure. L'aventure l'attire, futé comme un bison. Et beau comme son camion, c'est lui le saint patron des routes et des klaxons. Mais le camionneur a un grand cœur, même s'il le cache derrière de grosses moustaches.